بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا بكم جميعا يا أيها الإخوة الإخوة والأخوات auditeurs et auditrices qui nous suivent sur la radio Bilal Al-Kini dans cette collaboration qui se veut être une collaboration et une entraide avec les frères adeptes de la Sunna de la ville de Montpellier. مرحبا بكم جميعا وحفظكم الله كالله vous préserve et vous facilite l'accomplissement de ce qu'il aime et agréé à Azzawajal. Donc on avait abordé le deuxième paragraphe de la Muqaddima, car comme on l'avait expliqué, l'épître Thalathat al-Usul peut être divisée en quatre parties. L'introduction, qui elle-même est constituée de trois parties, puis le premier fondement, le deuxième fondement et le dernier fondement. Le troisième et dernier fondement. Et cette Muqaddima, donc cette introduction dans laquelle nous sommes toujours, est constituée de trois parties. La première partie qui tournait autour de quatre points, qui était la science, l'application, l'appel à cela, la patience dans cet appel face aux répercussions qui en découlent. Ça, c'était la focalisation du premier paragraphe, la première section de la Muqaddima, de l'introduction. Ensuite, le deuxième paragraphe, ça tournait autour de trois points. Nous en avons abordé deux. Le premier de ces points, dans ces trois points de ce deuxième paragraphe, c'était, le premier d'entre eux était concernant le fait qu'il fallait suivre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le suivre et lui obéir, alayhi salatu wa sallam. Et quant au point suivant, que nous avons étudié la semaine dernière, c'était concernant l'interdiction du shirk. C'est-à-dire le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, dépourvu de toute forme de polythéisme. Et le point d'aujourd'hui va concerner un point important de la religion qui est mal compris et mal mis en pratique par beaucoup de gens, c'est al-wala ou al-bara'a, c'est-à-dire l'alliance et le désaveu. Qu'est-ce que c'est l'alliance et le désaveu? Je vais ouvrir un petit préambule concernant ce sujet-là. Ceci est lié à la foi dans le tawhid. Le fait d'aimer et de détester pour Allah. Il y a plusieurs formes d'amour que l'on peut éprouver. Il y a l'amour pour Allah, qui est un amour de type religieux, qui est lié à la religion, que l'on va éprouver envers le croyant, par exemple, envers le musulman. Il y a l'amour naturel, qui peut être éprouvé envers tout à chacun, c'est-à-dire le musulman comme la personne qui n'est pas musulmane. Ça, c'est ce qu'on appelle un amour naturel. Il y a donc l'amour religieux, l'amour en Allah, qui est lié au fait d'aimer ce qu'Allah aime. Et il y a l'amour naturel, qui peut être éprouvé envers des gens qui sont non-musulmans, athées, polythéistes. Comme le fait que, par exemple, comme vous le savez, le musulman peut être amené à être un converti, ayant des parents qui sont mécréants. Il va les aimer d'un amour naturel, par rapport à la bienfaisance qu'ils ont eue envers lui, la bonté, la douceur, la mansuétude qui a émané de leur part à son égard. Mais cependant, par rapport à leur religiosité, par rapport à leur religion, il va les détester de cet aspect-là. Donc il va avoir une détestation pour Allah, c'est-à-dire une détestation qu'il éprouve à l'encontre pour Allah, parce qu'il déteste ce qu'Allah n'aime pas. Non. Mais en même temps, il va avoir de l'amour naturel à leur égard. Et donc cette détestation et cet amour, fillah, c'est-à-dire le fait d'aimer et de détester pour Allah, ça fait partie de la aqidah. Et ceci va se manifester à l'égard du musulman et à l'égard du non-musulman. C'est-à-dire, le non-musulman, on va détester cette personne pour Allah par rapport à son rejet de l'islam. Taïeb. Mais on peut des fois avoir de l'amour naturel qui va se joindre à cela, il y en a qui va être éprouvé en même temps par rapport à l'interaction que l'on a avec cette personne. Et l'innovateur, par exemple, le musulman qui est pécheur, par exemple, qui n'est pas sorti de l'islam, on va éprouver de l'amour vis-à-vis de lui, de l'amour fillah par rapport à la part d'islam qu'il a en lui, mais on va éprouver une détestation pour Allah vis-à-vis de lui par rapport à la part de péché qu'il a. Non. Et donc, on va étudier, incha'Allah ta'ala, certains aspects relatifs à ce sujet-là, avec les explications de Cheikh Ubayd. Qala al-Musannif, donc le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Tamimi rahimahullah a dit al-Thalitha, donc le troisième point, anna man ata'a al-Rasul wa wahad Allah لا يجوز له موالة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. C'est-à-dire que donc quiconque aura obéi au messager et aura unifié Allah dans le culte qui lui vaut, alors il ne lui est pas permis de prendre pour allié ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils même ses plus proches, c'est-à-dire les plus proches de lui. والدليل قوله تعالى, il mentionna le verset numéro 22 de Surat Al-Mujadala, dont je vais faire la traduction directement en français, dont le sens en français est « Certes, tu ne trouveras pas des gens parmi ceux qui croient en Allah et au jour dernier prendre en affection ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils même leur père, leur fils ou leur frère ou leur clan. Ceux-là sont ceux à qui Allah a prescrit la foi dans leur cœur et les a aidés d'une force venant de lui. Et il les introduira dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, dans lesquels ils seront pour l'éternité. Allah les agrée et il l'agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah, et certes le parti d'Allah, et yani, les membres du parti d'Allah sont ceux qui réussissent. Taïe. Donc, Cheikh Ubayd al-Jabiri rahimahullah dit « وَهَذِهِ الْمَسْأَلَ مِنْ أَعْظَمِ قَوَاعِدِ الدِّينِ » Donc ce sujet-là, ça fait partie des plus grandes bases de la religion. لِتَدَمُّنِهَا قَاعِدَةَ الْوَلَاءُ وَالْبَرَاءُ, car ce sujet-là aborde le principe de l'islam qui est relatif à الْوَلَاء وَالْبَرَاءُ. الْوَلَاء c'est l'alliance, الْبَرَاء c'est le désaveu. Il dit فَالْوَلَاء الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْمُنَاصَرَةُ فِيهِ. Donc الْوَلَاء ça va renvoyer à l'amour en Allah qu'on éprouve à l'égard de quelqu'un, وَالْمُنَاصَرَةُ فِيهِ, et le fait de lui venir en secours pour Allah. وَالْبَرَاءُ يعني le désaveu, il dit huwa al-bughdhu fi Allah wal-mu'adatu fihi. Ça va renvoyer à la détestation que l'on éprouve à l'égard de quelqu'un pour Allah, en cherchant la satisfaction d'Allah, et par rapport à Allah, à l'encontre de cet individu. Wal-mu'adatu fihi, et de prendre une position antagoniste et de prendre yani pour ennemi par rapport à Allah. Qala Sheikh al-Musannif rahimahullah fi ba'd rasailihi. Donc Sheikh Ubayd al-Jabiri mentionne un passage d'un autre de ses livres, d'un autre livre de Cheikh al-Islam, dans lequel il avait dit wa aslu din wa qa'idatuhu amran, c'est-à-dire que la base de cette religion, c'est-à-dire sa base fondamentale, ce sont deux éléments constituent les bases fondamentales et essentielles sur lesquelles repose la religion. Al-awwal, le premier d'entre eux, al-amr bi ibadati llahi wahdah, le fait d'ordonner l'adoration d'Allah exclusivement, et d'inciter les gens, c'est-à-dire d'y inviter les gens, et le fait de prendre pour allié par rapport à cela, et le fait de considérer la mécréance de celui qui aurait abandonné ce principe-là, c'est-à-dire l'adoration exclusive d'Allah. Et la deuxième base de la religion de l'islam, النهي عن الشرك في عبادة الله, l'interdiction du polythéisme dans l'adoration d'Allah, wa taghlidu fi dhalik, et le fait de faire preuve de sévérité à ce sujet, wa al-mu'adatu fih, et de prendre une position antagoniste à l'égard de quelqu'un par rapport à ce sujet, wa takfiru man fa'alah, et le fait de considérer la mécréance, de décréter de la mécréance de celui qui l'aurait accompli. Donc ensuite, concernant la parole du Musannif, la parole dans Thalathat al-Usul, anna man ata'a ar-rasul wa wahhad Allah. Donc quiconque aurait obéi au messager et aurait unifié Allah dans le culte. Cheikh Ubayd al-Jabiri dit al-ibadatu la tusamma 'ibadatan 'ala al-wajh as-sahih hatta yajtami'a fiha hadhan al-amran. Ta'atu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ta'ni tajrid al-mutaba'ati lah wa tawhid Allah ya'ni tajrid al-ikhlas. C'est-à-dire que c'est cette partie de l'épître, donc que quiconque aura obéi au messager et aura unifié Allah dans le culte, il a expliqué que l'adoration ne sera pas considérée comme une adoration accomplie de la manière qui est correcte, tant que ne se seront pas concrétisés, se seront réunis en elle deux éléments. Le premier de ces deux éléments qu'il a mentionné, c'est ta'atu rasulillah, l'obéissance du messager d'Allah, c'est-à-dire la concrétisation de son suivi, dans le sens où tu as adoré Allah comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Wa tawhidullah, et le deuxième élément, c'est l'unicité d'Allah, c'est-à-dire tajrid al-ikhlas, la concrétisation de la sincérité dans le culte voué à Allah. Taïb, j'ouvre ici une parenthèse. Comment peut-on s'assurer que notre adoration elle est conforme à la sunna du prophète alayhi salatu wasalam? Elle doit être conforme dans 6 paramètres. Dans 6 paramètres. Donc le premier de ces paramètres, je ne les donne pas forcément dans un ordre particulier, mais je les donne dans l'ordre de ce qui me vient à l'esprit. Donc le premier de ces paramètres, c'est la cause. Que ton adoration soit conforme à la sunna dans la cause. Je donne un exemple. Prenons une adoration qui est légiférée, c'est-à-dire qui est établie dans l'islam à la base, à savoir Qiyam al-Layl, donc la prière de nuit. Imaginons si une personne, elle se dit, moi je vais faire Qiyam al-Layl que la nuit du vendredi. Toutes les nuits du vendredi, je vais faire Qiyam al-Layl uniquement. Uniquement. Parce qu'il se dit, vu que vendredi c'est le meilleur des jours, donc forcément vendredi, la nuit du vendredi c'est la meilleure des nuits, donc il se dit, je vais faire Qiyam al-Layl toutes les nuits du vendredi. Le truc, c'est que l'adoration en elle-même, Qiyam al-Layl, elle est légiférée, elle est établie dans le Coran et dans la Sunna, il n'y a aucun problème à ça. Mais le fait de spécifier la nuit du vendredi, est-ce que c'est venu dans la Sunna? Non. Donc de ce fait, ça devient une bid'a. Et ça devient une bid'a idrafiyya. C'est-à-dire que ça devient une bid'a, en fait, c'est une adoration qui devient une bid'a parce qu'un de ses paramètres n'est plus conforme à la Sunna. Donc il faut être conforme à la Sunna dans la cause. D'accord? Taïb, deuxième élément, dans le temps. Par exemple, quels sont les mois qui précèdent Ramadan? Juste avant le mois de Ramadan, c'est le mois de Sha'ban. Et juste avant le mois de Sha'ban, c'est le mois de Rajab. Imaginons quelqu'un, il se dit, yani, Ramadan, ça tombe en été, il fait chaud, c'est difficile de jeûner, les jours sont longs, je vais jeûner quelques mois à l'avance pendant que c'est encore l'hiver. Comme ça, j'ai fait mon mois de jeûne et j'ai pris la facilité. Est-ce que c'est valide? Abadan. Tu ne peux pas prier avant Ramadan. Tu ne peux pas prier avant Ramadan. Donc ça, c'est un exemple pour imaginer que le deuxième paramètre, que ton adoration pour être conforme à la sunna doit être conforme au temps légiféré. Le troisième paramètre, ce serait concernant le fait que ton adoration pour être considérée conforme à la sunna, elle doit être conforme à l'espace, l'endroit. C'est-à-dire, par exemple, imaginons quelqu'un qui... Yani de par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala le concernant, il a été amené à être éprouvé par la pauvreté. Et donc de ce fait, cette personne n'est pas en mesure de faire le hajj. Mais il désire tellement faire le hajj, il voudrait tellement tourner autour de la Kaaba d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il se construit une Kaaba dans son pays. Il est dans un autre continent que le continent de l'Arabie Saoudite, il vit dans un autre pays, dans un autre continent, il se fait une Kaaba, il fait le tawaf autour de cette Kaaba. Est-ce que son tawaf il est valide? Non. Parce que le tawaf, c'est-à-dire la circumambulation, le fait de tourner autour de la Kaaba, ça se fait autour de la Kaaba qui se trouve à la Mecque, par exemple. Donc, on a vu 3 paramètres pour l'instant. Donc, le premier, c'est la cause. Le deuxième, c'est le temps. Le troisième, c'est le lieu, l'espace. Le quatrième, ce serait le nombre. Ce serait dans le fait que ton adoration doit être conforme dans le nombre. Imaginons quelqu'un qui, à notre époque, se dit... Nous, on n'est pas aussi pieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses sahaba l'étaient. Radiallahu anhum. Wa alayhi salatu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Donc, justement, cette personne elle se dit qu'on va devoir compenser en faisant plus de rak'at. Parce qu'on est moins concentré qu'eux, on a moins de concentration, on a moins de piété, on a moins de zikr, on a moins de longueur dans les salawat, on a moins de concentration, etc. Donc, il se dit, je vais rajouter 2 rak'at à chaque prière. C'est-à-dire que Fajr devient 4, Dhuhr devient 6, Asr devient 6, Maghrib devient 5, Aïcha devient 5. Aïcha devient 6, excusez-moi. Donc justement, en agissant ainsi, est-ce que sa prière elle est valide? Là. Parce que ça contrevient au hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » « Priez comme vous m'avez vu prier. » Taïb. Donc, il faut respecter le nombre. Également, il faut respecter la tartib. Ce qui renvoie à l'ordre ou à la manière. Je vous donne un exemple avec le wudu. Il y a un ordre dans le wudu. Tu ne peux pas venir et commencer à faire le wudu à l'envers. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Ma'idah a dit « Ya ayyuhalladhina amanu » « Ô vous qui avez cru »« Idha kumtum ila salah » « Si vous vous levez, yani pour accomplir la prière »« Farsilu wujuhakum » « Lavez vos visages » « Wa aydiyakum ila al-marafiq » Et ça comprend, yani, et vos mains jusqu'au coude, et ça comprend les côtes. Wamsahu bi ru'usikum, et lavez, excusez-moi, essuyez vos têtes. Wa'arjulakum ila al-ka'bayn, et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Donc tu ne peux pas venir de nos jours et commencer à vouloir faire le wudu à l'envers. Tu laves tes pieds jusqu'aux chevilles, puis tu essuies ta tête, puis tu laves tes mains jusqu'au coude, puis tu laves ton visage et tu penses que tu as fait le wudu. Taïeb. Ou bien par exemple, pareillement avec la salah. Quelqu'un qui vient, il commence la salah, il dit Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Puis il fait la salah à l'envers, yani dans l'ordre qui lui plaît, comme ça lui chante. Et après, à la fin, il dit Allahu Akbar. Sa salah est bâtée là. C'est comme s'il n'avait pas prié. Taïeb. Donc, il manque le dernier élément, c'est concernant Al-Jins ou Al-Nawa. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple de cela, par exemple, pour ce qu'on appelle Al-Adahi, Al-Udhahiyya, par rapport à Ahkam Al-Udhahiyya. Le jour de Eid Al-Adha, comme vous le savez, il y a deux Eid annuels. Eid Al-Fitr ou Eid Al-Adha. Taïeb. Donc, Eid al-Fitr, c'est le premier jour du mois de Shawwal. Naam. C'est le premier jour du mois de Shawwal qui annonce donc la fin de Ramadan, qui était le mois qui l'a précédé. Mais le jour de Eid al-Adha, qui survient durant le mois de Dhul-Hijjah, c'est un jour dans lequel il est légiféré de sacrifier des animaux bien particuliers. Et il y a quatre familles d'animaux qui sont à sacrifier. Il y a d'autres familles d'animaux qu'on peut sacrifier pour les manger, mais pour ce sacrifice rituel bien particulier, ce sont des animaux bien particuliers qui ont été désignés par les textes. C'est-à-dire les camélidés. Donc, c'est-à-dire on sacrifie les chameaux, chameaux, chamelles. Les bovins. Donc, vaches, bœufs, taureaux, naam. Ensuite, les ovins. Donc, ça, c'est-à-dire le mouton, la famille des moutons. Ensuite, les caprins. Les caprins, les caprinés, c'est-à-dire les chèvres. Taillés. Donc ça, et après, ils ont un minima d'âge à avoir atteint avant d'être considéré une bête qui peut être une candidate au sacrifice. Taïeb. Maintenant, il y a une catégorie que je n'ai pas mentionnée, qui est licite, ou deux même que je n'ai pas mentionnées. Les équidés et les gallinacés. Les équidés, c'est-à-dire les chevaux. Les chevaux, à la sahih bayna aqwal al ulama, c'est que le cheval, il est licite à la consommation. Et les gallinacés, c'est par rapport à la famille des oiseaux. Donc le poulet, maintenant. Hein? Donc le poulet, il est halal. Maintenant, si une personne a sacrifié un poulet, est-ce qu'elle a accompli le sacrifice légiféré, le sacrifice rituel de Eid al-Adha? Non. Est-ce que ça veut dire que la viande qu'il a sacrifiée n'est pas licite? Elle lui est licite. Mais il n'a pas à concrétiser l'adoration qui était spécifiquement légiférée en par rapport à ce jour. Taïe. Pareil, si la personne, elle se dit... Moi, les gens, ils ont sacrifié une chamelle, et ça, c'est le meilleur des sacrifices, le jour de Eid al-Adha. Sacrifier une chamelle tout seul. C'est-à-dire acheter une chamelle, payer une chamelle tout seul et la sacrifier. Non. Mais imaginons quelqu'un, il veut surpasser les autres. Il se dit, une chamelle, ça coûte tant de milliers d'euros, moi, je vais acheter un pur sang arabe à 40 000 euros, et je vais le sacrifier le jour de Eid al-Adha pour Allah Azza wa Jal. Cherchant à concrétiser, al-Udhahiyya. Lui, sa Udhahiyya, elle n'est pas valide. Dans le sens où, la viande de ce cheval sera licite à la consommation. Mais le sacrifice rituel, l'adoration spécifique qui était à faire aujourd'hui, n'a pas été concrétisée. Car les catégories ont été spécifiées. Taïe. Donc avec ceci, on a vu donc que ton adoration, pour qu'elle soit considérée conforme à la sunna, elle doit respecter 6 paramètres. Je les récapitule. Donc la cause, le temps, le lieu, le nombre, la manière, ou l'ordre, et le genre ou la nature. Taïeb. Taïeb. Ensuite, Cheikh Obaid al-Jabiri, rahimahullah, donc là je reprends dans les propos de Cheikh, il dit « La yajuzu lahu muwalatu man had Allah wa rasulah » Donc il n'est pas permis pour lui de prendre pour allié celui qui s'oppose à Allah et à son messager. Il explique ce que c'est le muwala. Il dit le muwala, il y a le mahabbatu wa nusratu fillah. C'est le fait de s'aimer pour Allah. Comme j'ai expliqué, il y a l'amour qui est de nature religieuse et l'amour qui est de nature, il y en a naturel, qui est naturel. L'amour de type religieux, l'amour fillah, ça ce n'est pas éprouvable et ce n'est pas à éprouver, il y en a, si ce n'est pour le musulman. Tandis qu'envers le non-musulman, on peut éprouver un amour dit naturel. Non. Donc là, c'est al-muwalah, al-mahabbatu wa nusratu fillah. Donc le fait de s'aimer pour Allah, d'aimer pour Allah et de porter secours pour Allah. Wa hiya al-muwaddah, li'anna al-hubb fillah wal-bughd fillah min tamam al-iman. Car le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah fait partie de la complétion de la foi. Qala sallallahu alayhi wa sallam, man ahabba fillah wa abghada fillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Akhrajahu Abu Dawud. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man ahabba fillah, celui qui aura aimé pour Allah, wa abghada fillah, et qui aura détesté pour Allah, wa a'ta lillah, et qui aura donné pour Allah, wa mana'a lillah, et qui se sera abstenu de donner pour Allah, faqad istakmala al-iman, alors aura pour achever la foi. Wa fi sahihayn, et donc dans les deux sahih, le sahih de l'imam al-Bukhari et le sahih de l'imam muslim, عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في الصحيح. نعم. Donc il mentionna un autre hadith rapporté par Anas ibn Malik, qui est dans le sahih de l'imam al-Bukhari et dans le sahih de l'imam muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Trois choses, si elles se retrouvent réunies dans une personne, alors cette personne, de par ces trois choses réunies en elle, goûtera la saveur de la foi. » Le premier de ces éléments, « An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma » c'est-à-dire que Allah et son messager soient plus aimés de lui que quiconque en dehors de eux deux. وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. Et ça, c'est le shahid. C'est-à-dire que c'est le point qui concerne notre partie de l'étude de l'épître. C'est-à-dire le fait qu'il n'aime une personne ne l'aimant que pour Allah. وَأَنْ يَقْرَهَا أَنْ يَعُودَ فِي الْقُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهِ. Et qu'il déteste le fait de l'idée de retourner dans la mécréance après qu'Allah l'en eût sauvé, kama yakrah an yuqdhaf fi an-nar, de la même manière qu'il détesterait le fait d'être jeté dans le feu. Fa shahidu min al-hadith, donc la partie qui du hadith qui concerne l'argumentation que Cheikh Ubayd al-Jabiri a fait ici, c'est an yuhibb al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, qu'il n'aime un individu ne l'aimant que pour Allah. Fa al-bughd fi Allah yajib. Le fait de détester pour Allah, c'est quelque chose qui est obligatoire. وَإِنْ كَانَ مَعَ أَقْرَبِ النَّاسِ. Et quand même cette détestation pour Allah d'ordre religieux serait éprouvée à l'égard des plus proches de toi. Et comme je l'ai expliqué, ça ne veut pas dire que parce que tu vas détester des gens pour Allah par rapport à leur mécréance, par rapport à leur apostasie, ce genre de choses, que ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir un amour naturel, par exemple, vis-à-vis de eux, de par le lien que tu as avec eux, par exemple si c'est tes parents ou si c'est ta femme. Car comme vous le savez, le musulman a le droit d'épouser les femmes parmi les gens du livre, si elle est chaste, c'est-à-dire si elle n'est pas fornicatrice. Non. Et donc, de ce fait, la personne qui épouse une chrétienne, cette chrétienne, il va la détester en Allah. Pourquoi ? Parce qu'elle est sur du polythéisme. Elle accomplit le plus grand péché par lequel Allah peut être désobéi dans cette tenue. Mais en même temps, de par la bonne conduite, le bon comportement, l'affection, les manifestations d'amour et d'affection qu'il y a entre eux deux, et la bonne entente qu'il y a dans la vie conjugale, la vie maritale, il va l'aimer, mais d'un amour naturel. Et le fait de détester les gens qui sont sur la mécréance par rapport à leur mécréance ne veut pas dire qu'on transgresse contre eux, qu'on est injuste contre eux, qu'on va s'en prendre à eux de manière inappropriée et illicite. Non, ça c'est quelque chose qu'il y a à comprendre. Taïb, fal bourdou fila yajib. Donc la détestation qui est éprouvée vis-à-vis d'Allah, c'est-à-dire yani, vis-à-vis de certaines personnes pour Allah, yajib, c'est quelque chose d'obligatoire. Wa in kana ma'a aqrabin nas. Et cela même si ceci devait être éprouvé à l'égard de ceux qui sont les plus proches des gens de toi. Madama muhadan lillah. Tant que cette personne est en opposition à l'encontre d'Allah. Il est en opposition avec Allah. Mu'anidan shar' Allah. En opposition, entêté et l'obstination contre la législation d'Allah. In kana aqrabin nas. Et quand même, le dernier, ce serait le plus proche des gens de toi. Puis Cheikh Ubayd al-Jabiri dit « وَاسْتَدَلَّ الشَّيْخ بِهَذِهِ الْآيَةِ مِنْ سُورَةِ الْمُجَادَلَةِ. Et donc le Cheikh l'Islam Mohamed ibn Abdelhab al-Tamimi a argumenté en mentionnant un verset de Sourate Al-Mujadala, qui est le verset, le numéro 22, le dernier verset. Donc on va voir morceau par morceau, bi-idhnillah, et on verra les explications de Cheikh Ubayd. Donc là, tu as dit yuminuna. Donc tu ne trouveras pas des gens parmi yani des gens qui croient en Allah et au jour dernier. Et la partie du verset qui dit la tajid, c'est-à-dire tu ne trouveras pas. Ça c'est un discours direct, c'est-à-dire ça s'adresse à quelqu'un. Mais justement, Cheikh Ubayd al-Jaber explique. Il dit al-khitab awwalan li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le discours il est adressé en premier lieu, dans un premier temps, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa ummatihi tabi'an lah. Et sa communauté le suit dans ce discours-là par la suite. C'est-à-dire que c'est un ordre adressé dans un premier temps au prophète, mais également qui concerne la Ummah musulmane. Donc là, tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulah. Tu ne trouveras pas des gens qui croient en Allah au jour dernier, qui se mettent à prendre en affection ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Yani, là, yuwadun. Cheikh Ubayd al-Jabri dit لم يمحدون أهل الكفر والفسق والفجور المودة قد يتعاملون معهم ولكن لا مودة بينهم لأن المودة لأعداء الله تنقص قاعدة الولاء والبراء. Donc le fait que ils n'éprouvent pas, ils n'ont pas cette attitude là vis-à-vis des gens du kufr. نعم لا يوادون يعني أهل الكفر, les gens de la mécréance, ou أهل الفسق, les gens de la transgression, de la déviance comportementale, ou le fujour et des turpitudes. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des interactions avec eux, des formes d'entraide, etc. Cependant, il n'y a pas d'affection entre eux de ce point de vue-là. Car le fait d'éprouver de l'affection de ce type-là, à l'égard de ceux qui sont les ennemis d'Allah Azzawajal, ceci est un affaiblissement du principe de l'alliance et du désaveu. Taïeb. Ensuite, le verset mentionne Man had Allah wa Rasoola. Quiconque aurait pris, yani qui se serait opposé à Allah et à son messager. Amman ka'inan man kan. Ceci est général, qui que ce soit. Ça concerne qui que ce soit. Wa in kana aqrab an-nas kal aba wal abna wal ikhwa wal ashira. Yani qui que ce soit, que même ceci, si ceci concernait les gens les plus proches, comme les pères, les fils, les frères et les membres du clan. Et c'est un fondement yani essentiel. C'est-à-dire le principe de l'alliance et du désaveu. Donc là, le cheikh, il expliquait que ce principe de al-wala wal-bara, cette règle et cette base fondamentale de l'alliance et du désaveu ne la comprend réellement que les adeptes de la sunna et du groupe. Et le cheikh a fait une doua importante. Il a imploré qu'Allah fasse de lui ainsi que de vous, yani de ceux qui sont du nombre des adeptes de la sunna et du groupe, dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, yani après la mort. Qu'Allah exauce cette invocation. Donc, donc l'affection qui est éprouvée, c'est différent du fait d'avoir des interactions, yani d'interagir avec des gens. Ensuite, Cheikh Ubayd al-Jabri, il aborde un point important d'Al-Wala al-Bara, parce que beaucoup de gens pensent qu'Al-Wala al-Bara, c'est à l'égard des non-musulmans uniquement. C'est-à-dire que, yani plutôt qu'Al-Bara, ça va être à l'égard des non-musulmans uniquement. Non, il y a une part de Bara, yani de désaveu, qui est liée à ceux qui, justement, sont des innovateurs, par exemple. Il y a une manière d'interagir avec les gens qui innovent dans la religion d'Allah. Qu'est-ce que c'est la bid'a? J'ouvre ici une modeste parenthèse afin de clarifier certaines choses. Qu'est-ce que c'est la bid'a? Cheikh Salah al-Fawzan, hafazahullah, il avait dit « Ma ahditha fi din ma laysa minhu ». C'est-à-dire, yani ce qui a été innové et introduit dans nouvellement dans la religion et qui n'en faisait pas partie initialement. Et la bid'a s'est rejetée. Taïb, la bid'a est de plusieurs catégories. Cheikh Ubayd al-Jabri va en présenter un taqsim. La bid'a mukaffira mufassiqa wa maduna dhalik. Ça c'est un taqsim. Taqsim thulati. Mais il y a un autre taqsim que Cheikh Ubayd al-Jabri n'a pas mentionné, je le mentionne d'emblée. C'est que le fait que la bid'a, on va voir le taqsim de Cheikh Ubayd, mais le taqsim que je vais présenter c'en est un autre, c'est qu'elle peut être haqiqiyya ou idafiyya. C'est-à-dire, une bid'a haqiqiyya, c'est-à-dire c'est une bid'a qui est un élément complètement étranger à l'islam. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est introduit en islam mais qui n'avait aucune relation, aucun rapport avec l'islam. Ibtida'an. Comme il y en a la célébration de la naissance du prophète, alayhi salatu wasalam. Ça, c'est une innovation qui n'a aucune base dans la religion. À la base, fêter l'anniversaire du prophète, ça n'a rien à voir avec le dîn. À la base, d'où ça vient? Ça vient du fait que ça a été introduit chez les sunnites suite à l'innovation des fatimides, qui était une dynastie chiite, qui ont vu les chrétiens fêter la naissance de Isa, alayhi salam. Et donc, ils se sont dit que Mohammed, alayhi salatu salam, était meilleur que Isa, et que donc, le prophète Mohammed, alayhi salam, méritait plus que l'on célèbre son anniversaire que Isa. Et donc, ils se sont mis à inventer la célébration de la naissance du prophète, alayhi salatu salam. Sachant que, est-ce qu'il y a unanimité sur la naissance du prophète, alayhi salam, concernant sa date de naissance? Non. Concernant la date de naissance et la date de mort du prophète, alayhi salam, il y a quatre ijma. Il y a quatre ijma. Le premier ijma, c'est le fait qu'il y a unanimité sur le fait qu'il est né à Am al-Fil. Il est né l'année de l'éléphant. L'année de l'éléphant, ça fait référence à l'anéantissement d'une armée qui était constituée d'individus et dont, parmi les éléments constitutifs de cette armée, il y avait un éléphant. Et Allah en a parlé dans Sourate al-Fil. Naam. Et donc, c'était une armée dirigée par Abraha. Et donc, le prophète sallam est né cette année-là. Parce que les Arabes, à cette époque, n'avaient pas pour habitude de compter. C'est-à-dire de compter les années, comme nous on a. 2021, 2022, 2023 pour ce qui se passe en Occident. Et même le calendrier égyrien n'existait pas encore. Parce que selon le calendrier égyrien, on est en 1445. Dans le premier mois de l'année, le mois de Muharram. Walilhamd. Mais, donc à l'époque, qu'est-ce qu'il faisait? Il se repérait par rapport aux années en donnant des noms ou des surnoms aux années par rapport à un événement important qui y serait survenu. Donc l'événement de l'éléphant, qui est l'événement de l'anéantissement d'une armée, par quoi? Allah Azzawajal a envoyé quoi? Tayran Ababil. C'est-à-dire, il a envoyé des flopées, il y en a des nuées d'oiseaux, qui se succédaient, qui leur lançaient des pierres faites d'argile, qui les ont écrabouillées, il y en a qui les ont écrasées. Taïb. Donc, le prophète Sassam, le premier ijma sur lequel il y a unanimité, le fait qu'il est né l'année de l'éléphant. Deuxième unanimité, le fait qu'il est né durant le mois de Rabi al-Awwal. Ça, sur ça, il y a ijma. Troisième unanimité, le fait que les ulémas sont unanimes sur le fait qu'il est né un lundi. Alayhi salatu wasalam. Après, quatrième unanimité, ça c'est concernant sa date de mort. Concernant le fait que sa date de mort, elle est sujette à l'unanimité. Le fait qu'il est mort le 12 de Rabi al-Awwal. Il est né le 12 de Rabi al-Awwal. Concernant sa date de naissance, elle est sujette à divergence. C'est-à-dire le combien du mois de Rabi al-Awwal. On sait qu'il est né le Rabi al-Awwal et il est mort dans le mois de Rabi al-Awwal. Alayhi salatu wasalam. Cependant, Yani, le combien est-il né du mois de Rabi al-Awwal? Yahya, mais l'avis qui est l'avis prépondérant auprès de mes chouyours, et c'est l'avis de la majorité des ulémas, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, c'est que c'est le 12 de Rabi al-Awwal. Et donc ça correspond à la date de sa mort également. Et justement, certains mashayikh disent, si on prendra cet avis, c'est-à-dire que comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né le 12 de Rabi al-Awwal, et ça c'est un avis sur lequel il y a divergence. Mais, et qu'on est certain qu'il est mort le jour du 12 de Rabi al-Awwal. Justement, celui qui veut célébrer le Mawlid al-Nabawi, qu'est-ce qui devrait le dominer le plus et l'affecter le plus? La réjouissance de sa naissance ou la tristesse de sa mort? Alayhi salatu wasalam. Parce que la personne qui célèbre le Mawlid al-Nabawi, en vérité, il est en train de célébrer, et il est en train d'être joyeux, le jour qui correspond au jour de la mort du prophète, alayhi salatu wasalam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais fait, les sahabas ne l'ont jamais fait, les tabi'un, c'est-à-dire ceux qui ont étudié avec les sahabas ne l'ont jamais fait, et leurs élèves, les atba'u tabi'un, les ont jamais fait, et les quatre imams, c'est-à-dire les quatre imams des quatre madahib, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, aucun d'entre eux n'a fêté le Mawlid an-Nabawi. Donc il n'y a pas de nécessité à le faire. Donc ça c'est une bid'a haqiqiyya, c'est-à-dire que c'est une bid'a complètement innover. C'est-à-dire que c'est une innovation qui n'a aucun rapport avec l'islam à la base. La deuxième catégorie de bid'a, c'est la bid'a idrafiyya. Qu'est-ce que c'est une bid'a idrafiyya? C'est une adoration initialement légiférée dans la religion, mais qui a été altérée dans un de ses paramètres, la rendant une innovation, en faisant une innovation. Comme par exemple, مثلا قيام الليل. Qiyam al-layl, c'est une adoration qui est légiférée. C'est-à-dire que ça fait partie du din, ibtida'an. Ça a été légiféré dans le Coran, ça a été mentionné dans le Coran, ça a été mentionné dans la Sunna. Mais si tu, par exemple, tu ne respectes pas la cause, tu commences à spécifier un jour bien particulier, qui n'a pas été spécifié par la Sharia comme étant un jour méritoire dans le fait de faire Qiyam Layl. Comme ceux qui spécifient, il y en a spécifiquement, toutes les nuits du vendredi font Qiyam Layl, la nuit d'après, jamais, la nuit d'avant, jamais. Après, il y a une différence entre celui qui, par exemple, il n'a que le vendredi de libre, hein, par rapport à son travail, son aménagement et tout. Lui, ce n'est pas par rapport à une fadila, une vertu particulière qu'il attribue à ce jour. C'est juste par rapport à son emploi du temps. Ça, c'est différent. Taïeb. Et donc, la personne qui confère à la nuit du vendredi un statut particulier, qui fait Qiyam Layl à chaque fois par rapport à une croyance qu'il a vis-à-vis de cette nuit-là, alors que ce n'est pas établi sur le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ça a fait que son adoration, qui est à la base une adoration qui, originellement et initialement, est légiférée en islam, c'est-à-dire Qiyam Layl, devient une innovation de type idrafiyya. Taïeb. Donc ensuite, on va voir le taqsim de Cheikh Ubayd. Donc d'abord, Cheikh Ubayd dit, après avoir abordé le sujet de l'Wala wal-Bara, il dit « Wahuna suhal, wahuna suhal, hadihi l'aya min a'zami l'adillati ala l'hadari min al-bida' wa inkariha » C'est-à-dire que ce verset, le verset de Surat al-Mujadala, et fait partie des plus grandes preuves quant à la mise en garde, vis-à-vis de la mise en garde à l'encontre des innovations et de leur blâme. Non. Ensuite, il dit Baqiy al-mubtadi'a, kayfa yakun at-ta'amul ma'ahum? C'est-à-dire, et concernant les innovateurs, comment interagit-on à leur égard? C'est-à-dire, quelle va être notre manière d'interagir avec eux? Il dit al-bid'atu thalathatu asnaf. Donc là, il donne un taqsim, qui est une catégorisation thulathiyya, c'est-à-dire une catégorisation en trois. Donc il dit que la bid'a est de trois types. Donc, la première, awalan mukaffira. C'est-à-dire que donc, la première des bid'a, c'est la bid'a qui rend mécréant. C'est-à-dire celle qui t'expulse de l'islam. C'est-à-dire que si tu es du nombre des musulmans, tu deviens, bien entendu, si les conditions sont établies à ton encontre, c'est-à-dire ce qu'on appelle dawabet au takfir, tu deviens donc kafir. Il donne des exemples. Il dit qu'abid'at al-rafd. Rafd, ça fait référence à la croyance des chiites rafidites, qui ont décrété la mécréance de la majorité des sahaba, qui ont adoré des membres de la famille du prophète, en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc ça, comme qu'abid'at al-rafd. Ou bien al-tajahum. Al-tajahum, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à la croyance des Jahmites, la croyance des Jahmiyyah, qui a été propagée par Jahm ibn Safwan, qui est celui qui l'a propagée, qui a propagé cette croyance, cette conception innovée de la religion. Et parmi leurs principaux torts, le fait d'avoir nié les noms et les attributs d'Allah. Ils ont nié les noms et les attributs d'Allah. Pourquoi? Ça, ce sera un sujet qui sera abordé en son temps, en temps voulu, inshallah. Mais ce qui doit être retenu, c'est qu'at-tajahum, c'est du kofr, et c'est le reniement, le rejet des noms et des attributs d'Allah. Car comme vous le savez, Allah a des noms. Lahu al-asma'ul husna, fad'uhu biha. À lui appartiennent les noms les plus sublimes, invoquez-le donc par ses noms. Donc Allah a des noms et il a des attributs. Azza wa jalla. Donc celui qui les renie tous est kafir. Parce qu'il serait membre de cette secte al-jahmiyya. Ensuite, il mentionne un autre bid'a qui est mukaffara, qui rend mécréant, al-hulul. Al-hulul, c'est l'incarnation, le fait de dire qu'Allah s'incarne dans un corps, par exemple. Ceux qui disent que Allah il est en fulan, il s'incarne en un individu, ça c'est une bid'a. C'est une bid'a qui rend mécréant. Ensuite, il donne un autre exemple, wahdatil wujud. Ça c'est l'unicité dans l'existence, le panthéisme, c'est-à-dire le fait de dire qu'Allah est dans tout, en tout et partout. Car comme vous le savez, Allah, à de multiples endroits du Coran, a fait savoir qu'il était au-dessus de son trône. Et fait partie de la aqidah de Ahlus Sunnah wal Jama'a, comme rapporté dans la aqidah des deux imams al-Razi, que le fait de croire que Allah est ba'inun min khalqih, c'est-à-dire qu'il est distinct de sa création. Il n'est pas dans sa création, subhanahu wa ta'ala. Il est élevé au-dessus de son trône d'une manière qui sied à sa majesté, azza wa jalla, et il cerne toute chose de son savoir. Subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que rien n'échappe à sa science. Azza wa jal. Et parmi les versets qui prouvent qu'Allah est au-dessus du trône, يعني الرحمن على العرش استوى ou bien إن ربكم الله الذي خلق سبع سماوات في ستة أيام ثم استوى على العرش. C'est-à-dire, certes, votre Seigneur est Allah, celui qui a créé les cieux et la terre en six jours, ثم استوى على العرش. C'est-à-dire, puis, qui s'est élevé au-dessus du trône. عز وجل. Donc, الحلول, c'est l'incarnation. C'est-à-dire, le fait de dire qu'Allah s'est incarné en une créature, par exemple. Et الوحدة الوجود, ça, c'est le fait de dire qu'Allah est dans tout et partout, de par son être. Nous, ce que nous croyons, c'est qu'Allah, عز وجل, comme le prophète sallam l'a corroboré, lorsqu'il a interrogé Al-Jariya, c'est-à-dire Yanni, c'était une jeune domestique, plutôt une domestique, justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interrogé cette femme-là en lui posant la question « Aïn Allah, wa man ana ?» Il lui a posé Yanni, deux questions. Yanni, « Aïn Allah, où est Allah ?» et « Wa man ana ?» Qui suis-je ? Ce à quoi elle a répondu concernant « Aïn Allah ?»« Fi sama » Et là, c'était ce qui était voulu, c'était au ciel. C'était dans le sens au-dessus du ciel. « Subhanahu wa ta'ala » Et « Wa man ana ?» Et elle a affirmé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le messager d'Allah. Et le prophète alayhi salatu wasalam, a affirmé concernant cette femme, suite à ces deux questions, qu'elle était croyante. Et donc, ça prouve que ce sont des éléments fondamentaux de la foi. Ça fait partie des points importants de la foi. Et ce hadith dont j'ai rapporté le sens est rapporté dans le sahih de l'imam Muslim. Rahimahullah. Taïb. Donc là, on a vu la première catégorie de bid'ah. Donc la bid'ah, al-mukaffira. Selon le taqsim en 3 de Cheikh Ubay. Donc, il a donné l'exemple de la bid'a des Rafida, la bid'a des Jahmiya, la bid'a qui consiste à croire en al-hulul ou en wahdat al-wujud. Ça, c'est de la mécréance. Ça te sort de l'islam. Ensuite, il y a ce qui est en deçà de cela. Donc, la deuxième catégorie, c'est la bid'a al-mufassiqa. Al-mufassiqa. C'est-à-dire que c'est du fisq. C'est-à-dire que c'est de l'ordre du grand péché. C'est de l'ordre du grand péché, mais ça ne te sort pas de l'islam. كبدعة الاعتزال c'est-à-dire la bid'a des mu'tazilites. Les mu'tazilites, ce sont des gens qui ont beaucoup d'égarements, que l'on n'abordera pas ici, car ils ont énormément d'égarements. Mais parmi ce qui leur a causé préjudice, c'est une méthodologie qui consiste à, comme Cheikh Al-Fawzan les a décrits dans son livre Bayan al-Ma'ani fi Sharh Muqaddima Ibn Mzil al-Qarawani, en les décrivant, الذين يقدمون العقل على النقل الذين يقدمون العقل على النقل. C'est-à-dire, ce sont ceux qui donnent précédence à la raison au devant des textes. Et donc, du fait qu'ils aient agi de cette manière-là, ceci leur a causé du tort, car ils se sont égarés dans de nombreux sujets de la religion, notamment dans des sujets de aqaïd, de croyance. Ensuite, il mentionna وبدعة التمشعر. التمشعر, ça, c'est la aqaïda des Asha'ira. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont affirmé le nom d'Allah et qui ont affirmé certains de ses attributs, mais ils se sont égarés dans beaucoup d'interprétations relatives aux attributs. Donc ça, c'est de l'ordre de la bid'a mufassiqa. C'est-à-dire que c'est de l'ordre de l'ibtida, ça fait partie de l'innovation. C'est un grand péché, mais ça ne sort pas de l'islam. Ensuite, le troisième type d'innovation, Cheikh Ubayd al-Jabir a dit « Wa ma duna dhalik » Ce qui est en deçà de cela, qu'à dhikr al-jama'i, comme le dhikr à l'unisson, c'est-à-dire le fait de faire du dhikr ensemble d'une seule et même voix, comme à l'image d'une Korah, si vous voyez ce que je veux dire. Taïb. Ensuite, il dit « Hada huwa fiqh al-bid'ah, alladhi bayyanahu al-salaf » Il dit ça, c'est la compréhension du sujet de l'innovation que ont clarifié les plus prédécesseurs. Rahimahumullah. Donc ensuite il dit فالبدعه المكفره الامر فيها واضح انها مكفره. Il dit concernant l'innovation qui rend mécréant, son cas il est clair, comme quoi yani c'est quelque chose qui rend mécréant. وهذه اظنه لا تحتاج الى وقفه ما دامت مكفره. Il dit en fait il voit qu'il n'y a pas besoin de s'attarder et de s'arrêter sur celle-là. فكل متفق ala inkariha, c'est-à-dire car tout le monde est unanime quant au fait qu'elle doit être blâmée, elle doit être condamnée. Wa innamal khilaf al-yawm fil bid'a'i al-mufassiqa wa ma duna dhalik. Mais là où il y a une divergence dans la manière d'interagir envers l'innovation, c'est concernant à notre époque, concernant la bid'a al-mufassiqa, concernant la bid'a qui est de l'ordre du grand péché. Et ce qui est en deçà de cela. نقول، et donc de ce fait nous disons, c'est-à-dire ce que Cheikh Obaid al-Jabri dit, السلف مجمعون على إنكار البدع حتى المفسقة وما دونها. Donc c'est-à-dire que les pieux prédécesseurs de cette communauté sont unanimes concernant le blâme de l'innovation jusqu'à même la mufassiqa, celle qui est de l'ordre du grand péché, et même celle qui est en deçà de cela. فقد ثبت عنهم بالتواتر زجر المبتدع. Il a été rapporté par de nombreuses personnes, par de nombreuses voix, le fait que les pieux prédécesseurs réprimandaient les innovateurs. Donc ils les condamnaient. نعم وإنكار البدع دون التفريق. Et qu'ils condamnaient les innovations, ils ne faisaient pas de distinction. C'est-à-dire, يعني ça c'est une innovation de ce type-là, etc. Là, ils condamnaient toutes les formes d'innovation. فلم ينقل عنهم أن الإنكار عندهم مقصورا على البدع المكفرة. Donc il n'y a pas été rapporté des pieux prédécesseurs de cette communauté comme quoi leur condamnation, leur blâme de l'innovation était un blâme qui se limitait au fait de blâmer l'innovation de l'ordre de la mécréance. Ils blâmaient tout, toute forme d'innovation. Non, juste une seconde, Inch'Allah, le temps que je charge mon téléphone, que je branche mon téléphone. Parce que je me rends compte que mon téléphone va bientôt cesser de fonctionner. طيب وين اتج نعم اي دونك شيخ عبيد الجبري رحمه الله منسيون دونك والاصل هو هجر المبتدع دونك لا باز سي لو بويكوت دو مبتدع طيب Qu'est-ce que le boycott? Le boycott, c'est le fait de couper toute interaction avec un innovateur. Cependant, le boycott est de plusieurs types. Le boycott est de deux catégories. Le hajar al-kulli ou le hajar al-juz'i. Et donc, selon le cas, selon l'individu, selon les bienfaits, les bénéfices qu'on cherche à concrétiser ou à préserver, ou selon les mafas, les méfaits qu'on essaye d'éviter ou de réduire ou d'éliminer ou de repousser, on va choisir un des deux. Quelle est la différence? Al-Hajar al-Kulli, ça va être le fait de couper toute interaction avec un musulman, avec un innovateur. Couper toute interaction. On ne passe pas le salam, on ne rend pas le salam, on n'interagit pas avec lui, bil-Kulli. On essaie de couper tout rapport avec lui. Tandis que Al-Hajar al-Juz'i, ça va être yani dans lequel tu t'écartes de quelqu'un, d'un musulman, de manière partielle. Par exemple, tu vas continuer à lui passer le salam, etc., mais tu vas délaisser certaines interactions que tu avais avec lui pour te prémunir de son mal, par exemple. Donc ça, c'est deux formes de boycott. Après, il y a un autre taqsim concernant le hajar, qui est un hajar que Cheikh Obaid al-Jabri avait abordé dans une de ses fatawas. Il y a le hajar qui est d'initiative individuelle et le hajar qui est accompli par le groupe. C'est-à-dire, par exemple, quand il y a un individu, il représente un danger. Parce qu'il a des yani par rapport à des péchés qu'il fait ou du fait de son innovation. Par exemple, imaginons que c'est quelqu'un qui est devenu un innovateur et tu redoutes son mal. Est-ce que tu as besoin de revenir à un savant pour savoir si tu dois t'écarter de lui ou pas? Non, tu n'as pas besoin de revenir à un savant pour savoir si tu dois t'écarter de lui ou pas. Tu sais que son mal, il est patent, son mal, il est clair et son mal, il est effectif. Tu crains de son mal pour toi, tu coupes les interactions avec lui. Ça, c'est le hajar dit wiqa'i, le hajar de protection, pour te protéger. Tandis qu'il y a un autre type de hajar, qui est un hajar qui va faire que dans la communauté, par exemple, les musulmans ou les gens de la sunna dans une localité vont se mettre à boycotter un individu particulier. Là, il faut revenir au machir. Pourquoi? Parce que cette personne-là, il faut voir auprès des machir, est-ce que c'est dans l'intérêt, c'est un intérêt prépondérant de le boycotter ou pas? Que la communauté le se mette à le boycotter ou pas? Parce que justement, chez Obaid al-Jabri, il va expliquer qu'il y a des cas où la personne qui est boycottée, peut-être c'est quelqu'un qui est influent dans la communauté. Peut-être qu'il a une force, peut-être qu'il peut se venger, peut-être qu'il peut faire du tort aux gens de la sunna. Ou peut-être tout simplement qu'il ne mériterait pas forcément d'être boycotté. Ou peut-être que ça amènerait un mal plus grand qu'un bien. Sachant que Cheikh al-Albani, rahimahullah, avait dit concernant le boycott, al-hajr, il avait dit « al-hajru ». مسألة علمية دقيقة تحتاج إلى تطبيق علمي دقيق. C'est-à-dire que c'est un sujet scientifique précis nécessitant une pratique scientifique précise, une application scientifique précise. Sachant que justement le boycott c'est quelque chose qui fait partie de, comme Cheikh Abdallah al-Bukhari l'avait mentionné, ça fait partie de tahqiq al-tawhid. Ça fait partie de l'amr al-bi'aruf. Wa nahi anil munkar. Ça rentre dans ce sujet-là. Et le boycott, comme les ulémas l'ont expliqué, c'est dans l'intérêt de beaucoup de gens. Pourquoi ? Parce que quand tu boycottes quelqu'un, c'est dans l'intérêt du boycotté. Pourquoi ? Parce que le boycotté, il voit que les gens de la sunna, par exemple, cessent d'interagir avec lui, de par une nouvelle innovation à laquelle il a adhéré et qu'il se met à propager et à corroborer. Donc il voit que les gens de la sunna, ils s'écartent de lui, ils ne lui parlent plus, ils se détournent de lui. Donc lui, ça l'affecte. Ça l'affecte. Donc ça le pousse à se repentir. Donc c'est dans son intérêt à lui, le boycotter. C'est dans l'intérêt des boycotteurs. Pourquoi ? Parce que par le fait de le boycotter, ceux qui le boycottent cessent d'interagir avec lui, se prémunissant du fait de lui laisser l'opportunité de les influencer dans le mal. Et également, c'est dans l'intérêt de la communauté. Parce que imaginons un adepte de la sunna qui s'est mis à dévier, à appeler à des voies déviantes, des voies des terroristes par exemple, des extrémistes, etc. Et qu'il voit, et que les gens de la sunna ont consulté les ulema, et que les ulema ont dit, lui, dénoncez-le aux autorités, écartez-vous de lui et cessez d'interagir avec lui. Donc ils ont une fatwa d'un des ulema. Et toutes les adeptes de la sunna de la ville se mettent à le boycotter. Plus lui passer le salam, plus lui serrer la main, plus interagir avec lui, ni rien. Parce que justement, c'est quelqu'un qui a des pensées dangereuses. Ça, c'est dans l'intérêt de la communauté. Parce que la communauté qui vient fréquemment à la mosquée ou qui côtoie les gens de la sunna, qui côtoie les musulmans de la localité, vont observer que les gens de la sunna ont commencé à boycotter cet individu. Donc ils vont se dire, il y a quelque chose avec lui. Il a un problème. Il est dangereux. On va faire de même aussi. Et c'est pour ça que beaucoup de gens se sont trompés dans le sujet du fait de prendre, par exemple, la langue arabe chez les innovateurs. Beaucoup de gens se permettent d'aller prendre la langue arabe en disant « Oui, mais ce n'est pas de la aqidah, ce n'est pas du din. » Alors que ceci, ça perturbe les awam. Car les gens de la sunna, quand ils se laissent aller vers des gens qui ne sont pas sur la sunna pour apprendre les sciences outils comme la langue arabe, ça perturbe le mubtadi'a, parce que cet innovateur, il se confond dans sa bid'a. Il dit « Ah, machallah, j'ai beau être sur une bid'a qui désapprouve, il vient à mes cours. » Et ça aussi influence les frères qui deviennent son élève. Parce que ceux qui deviennent ses élèves, ils seront influencés par le fait d'être impressionnés par sa science, dans la Laura, dans la Balara, etc. Et justement, Cheikh Nasheef Salim, il avait donné un exemple dans ce cas-là. Il avait dit, au début, il va venir, il va te dire, fais l'arabe de la jumla, c'est-à-dire fais l'analyse grammaticale de la jumla. Salaytu inda qabri waliyin. Après toi, tu vas dire, mais ça, c'est haram. J'ai prié près de la tombe d'un wali. Il va te dire, non, mais fais pas attention à ce que j'ai au sens. Juste fais l'analyse grammaticale. Il va commencer à te disséminer sa bid'a comme ça. وَلَيْعَذُ بِاللَّهِ Qu'Allah préserve Cheikh Kouna, Cheikh Salim. حَفَظَهُ. Donc justement, c'est dangereux pour l'innovateur parce que ça le conforte dans son innovation, le fait qu'on va apprendre chez lui. Et ça va influencer ses élèves parce que comme Cheikh Al-Fawzan a dit, le professeur, il a un impact sur ses élèves. Il influence son élève. Il a un impact. Et en même temps, ça va perturber les gens parce que les gens, ils vont savoir que, attendez, lui, ils disent que celui qui dit telle chose, c'est une innovation, c'est un égarement. Mais celui-là, on sait qu'il le dit, et ceux qui condamnent ce qu'il dit, ils vont à ses cours. Donc ils vont être tentés d'aller à ses cours eux aussi, et donc de tomber dans l'innovation. À la base, on prend rien l'innovateur, à la base. Taïeb. Et il y a des cas exceptionnels, justement, dans lesquels on peut prendre de l'innovateur. Par exemple, la riwaya du hadith. Mais ça, c'est dans un cas bien particulier, justement. Mais à la base, les gens de la masse ne doivent pas aller prendre des sciences outils chez les innovateurs. Ils ne doivent pas étudier auprès des innovateurs. Taïb. Donc, Cheikh Ubayd al-Jabali dit Wala aslu huwa hajrul mubtadi'. Donc, la base, c'est le boycott de l'innovateur. Hada huwa al-aslu. Hajruhu wa zajruhu. In kana mudhiran bid'ata. Donc, la base, c'est le fait de le boycotter et de le réprimander, c'est-à-dire de le condamner. De condamner, in kana mudhiran bid'ata, si c'est quelqu'un qui manifeste ostensiblement son innovation. Da'iyatan ilayha, il y appelle, c'est-à-dire qu'il y appelle ouvertement. Il assume complètement son innovation, il ne s'en cache pas. C'est un prédicateur à elle. Wa min dhalika annahum qarraru 'adama qabul ar-riwayat al-mubtadi' idha rawa ma yuqawwi bid'ata. Et donc, parmi les choses que les prédécesseurs ont affirmées, le fait que l'on n'accepte pas le hadith qui est rapporté par un innovateur s'il rapporte ce qui renforce son innovation. C'est-à-dire qu'il rapporte comme une narration qui renforcerait son innovation, qui apporterait soutien et crédit à son innovation. Imma idha kana al-mubtadi'u lam yad'u ila bid'atihi. Mais si par contre l'innovateur n'est pas quelqu'un qui appelle à son innovation, ou lam yarwi ma yad'u ila bid'atihi, ou qui ne rapporte pas des hadiths qui sont des choses qui seraient, il y en a des textes qui appelleraient en apparence à son innovation, فَإِنَّهُمْ يَقْبُلُونَ رِوَيَتَهُ. Alors dans ce cas-là, ils acceptent sa riwaya. Et certains ulama, ils ont divergé sur ce sujet-là. Et certains ulama ont mis comme condition que pour qu'on prenne le hadith d'un innovateur, il faut que ce hadith ne soit pas présent chez les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a que lui qui l'a. Que ce ne soit pas un mubtadi' qui appelle à son innovation. Que ce ne soit pas un mubtadi' dont la narration, il y en ait soutien ou serait quelque chose qui accréditerait et corroborerait son innovation. Dans ce cas-là, par la nécessité de la conservation et de la préservation de la sunna, on peut prendre sa narration. Mais il faut qu'il soit connu pour être véridique. Justement, Cheikh Obeid al-Jabri donne un exemple avec l'imam al-Dhahabi. « Qala al-Dhahabi ou fi tarjamati Aban ibn Tahlab » Donc concernant la biographie de Aban ibn Tahlab, qui a fait le grand savant des biographies de l'imam al-Dhahabi, il avait dit « Shi'iyun jald » C'est-à-dire que c'est un shi'i pur. « Lakinnahu sadouq » Cependant, il était du nombre des véridiques. « Falana sidquhu wa alayhi bid'atuh » Alors, sa véracité nous est bénéfique, c'est-à-dire à nous sa véracité et à lui son innovation. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره هذا أعني هجر المبتدع وزجره إذا كان داعيا إلى بدعته. Et donc Cheikh الإسلام ابن تيمية رحمه الله et autres que lui ont rapporté cela, c'est-à-dire le boycott du مبتدع وزجره et sa condamnation إذا كان داعيا إلى بدعته. Si c'était quelqu'un qui appelle à son innovation, مظهرا لها, la manifestant ostensiblement, مقررا لها, yani l'approuvant, la soutenant, yani de manière claire. Illa idha tarattaba ala hajrihi mafsadah akbar min hajrihi fa innahu la yuhjar. C'est-à-dire, et donc on doit le boycotter, on doit le censurer, on doit le condamner. À moins que dans le fait de le boycotter, ceci provoquerait un mal plus grand que le mal initialement présent, alors dans ce cas-là, on délaisse le boycott. On délaisse le boycott. Et ça fait partie de ce qu'on appelle al-qawa'id al-fiqhiyya. Cheikh Ubaid a une explication d'une poésie de Cheikh Sa'di, dans laquelle il disait yani, وَضِدُّهُ تَزَاحُمُ الْمَفَاسِدِ يُرْتَكَبُ الْأَدْنَى مِنَ الْمَفَاسِدِ. C'est-à-dire que quand on est confronté à deux dilemmes, à un dilemme entre deux mots, M-A-U-X, pluriel de mal, alors on prend le moindre. وَضِدُّهُ تَزَاحُمُ الْمَفَاسِدِ يُرْتَكَبُ الْأَدْنَى مِنَ الْمَفَاسِدِ. Quand on est confronté dans un dilemme entre deux mots, alors on prend le moindre. Bien que le moindre de deux reste quand même quelque chose qu'on n'en approuve pas. Tayyib. La yuhjar. لأن الهجر ليس أمرا شخصيا غايته التشفي بل هو عقوبة شرعية. Donc, le boycott, ce n'est pas une affaire personnelle. Ce n'est pas quelque chose qui est relatif à des affaires personnelles, mais c'est une punition légiférée, c'est-à-dire basée sur la législation. Et j'invite mes frères et mes sœurs qui m'écoutent, il y en a sur la radio ou il y en a dans la salle, à consulter le livre de notre cheikh, Cheikh Khalid ibn Dahoui al-Zafiri, hafidhahullah, qui s'appelle Al-Ijma', yani Ijma' al-Ulama, Ijma' al-Ulama, al-Hajri, wa al-Tahdhir min Ahli al-Ahwa, c'est-à-dire le consensus des savants quant au boycott et l'avertissement à l'encontre de ceux qui suivent leur passion. Ce livre-là a été l'objet d'une préface élogieuse de la part de Cheikh Rabi'a, de la part de Cheikh Obeid et de la part de Cheikh Zayd. Qu'Allah fasse miséricorde à ceux que j'ai mentionnés qui sont parmi les défunts et qu'Allah préserve Cheikh Rabi'a al-Matrali pour prolonge sa vie dans son obéissance. Et ce livre-là est une recherche sublime. Et à la fin de ce livre-là, il y a notamment la compilation de livres des pieux prédécesseurs, des ouvrages des pieux prédécesseurs concernant le sujet du boycott des innovateurs et de la mise en garde contre eux, et de la désapprobation de ce sur quoi ils sont. Et ce livre-là a été traduit par le noble frère, le noble traducteur, Abu Hamad Suleyman ibn Damaous al-Haïti, hafadahullahu ta'ala, et normalement il devrait être dans la nouvelle version de son site, wallahu a'lam. Donc je vous invite à vous y référer. Il l'avait traduit dans mon souvenir en 12 assises. Et c'est un sujet très important. Tayyib. Ensuite, Cheikh Obeid al-Jabri, hafadahullahu ta'ala, il aborde un point important qui est concernant le fait, donc, quand est-ce que l'on va délaisser le boycott. C'est-à-dire par rapport à des cas dans lesquels le boycott et la condamnation publique peuvent avoir des répercussions plus graves que le mal que l'on cherche à condamner. Et donc c'est pour ça que les ulémas ont expliqué qu'il faut avoir de la sagesse dans ces sujets-là. Donc il dit, Il dit فإذا كانت الغلبة والقوة لأهل السنة نفع هجر المبتدع وزجره. Donc dans le cas où on est dans une circonstance où la domination et la force est aux mains des gens de la sunna, c'est-à-dire que dans une localité, les adeptes de la sunna sont ceux qui ont le pouvoir, ce sont ceux qui sont en force, sont ceux qui ont le contrôle. Alors, dans ce cas-là, le boycott de l'innovateur et sa condamnation est bénéfique. وَإِذَا كَانَتِ الْغَالَبَةِ لِأَهْلِ الْبِدَعِ وَشَوْكَةُ لَهُمْ لَمْ يُهْجَرَ الْمُبْتَدِعِ خَاشِيَةَ الْمَفْسَدَةِ. Donc, et si par contre on est dans une circonstance, ou dans une localité par exemple, ou dans un pays, la domination et la force est aux mains des gens de l'innovation, et que donc c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont la force, c'est eux qui ont l'autorité, alors dans ce cas-là, on ne boycotte pas l'innovateur, parce qu'on délaisse le boycott de l'innovateur, parce qu'on craint la survenue d'un méfait, une conséquence néfaste, qui est des dommages collatéraux, yani fort. Et justement, le cheikh Ubayd al-Jabri a dit « لِأَنَّ الْمَدَرَ عَلَى تَحْقِقَ الْمَصَالِحُ وَتَكْثِيرِهَا وَدَرِ الْمَفَاسِدِ وَتَقْلِيلِهَا » C'est-à-dire qu'en vérité, ce qu'on essaie de concrétiser dans ces interactions-là et dans ces sujets-là, c'est quoi? C'est le fait de concrétiser des intérêts, des choses bénéfiques pour la communauté et de multiplier ces aspects bénéfiques, ces choses utiles, et de limiter, de repousser les méfaits, les dommages, les nuisances, et de les limiter. Et ça, c'est ce que Cheikh Saadi avait mentionné dans sa poésie. Manzumatul Qa'id Fiqhiyya. الدين مبني على المصالح في جلبها والدار للقبائح فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. نعم. C'est-à-dire que la religion, يعني الدين مبني على المصالح في جلبها. Ça veut dire que le din est établi sur les bénéfices et le fait de les concrétiser, de parvenir à la concrétisation de certains bénéfices. نعم. والدار للقبائح. Et que parmi les bases de la religion également, le fait de repousser les choses qui sont mauvaises, les choses qui sont hideuses, qui sont mauvaises, néfastes, qui sont des nuisances et qui sont des choses qui sont nuisibles à la communauté. Et lorsque l'on est dans un dilemme entre deux bienfaits, deux bénéfices que l'on voudrait, qu'on pourrait concrétiser, mais on doit choisir un des deux, on prend le plus grand. Et lorsque Et inversement, lorsqu'on en est confronté dans un dilemme entre deux mots, on prend le moindre. Ça fait partie de Qawad al-Fiqhiyya. Tayyib. Donc, ensuite, Cheikh Ubayd dit هذا فقه عظيم وأدلته من السنة ظاهرة مستفيضة. Donc, le fait que ceci est une compréhension de ce sujet qui est grandiose, et les preuves de ce sujet, dans ce sujet-là, au sujet de cette compréhension, dans la sunna sont claires, elles sont répandues. Et donc, parmi les adillah de la sunna dans le fait d'avoir du fiqh, dans le ta'amul avec les gens, ce qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari. Rawahu al-Bukhari wa ghayruhu an Aishata radiallahu anha. Il reste combien de temps pour la prière par rapport à vous? 5-10 minutes. Très bien, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Comme ça, on abordera bi'idhnillah cette mas'ala, Inch'Allah ta'ala, dans l'assise de la prochaine fois, bi'idhnillah azza wa jal. Hada wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.